oubliés des dieux, aux rêves arrachés, aux enfants bâillonnés, à leurs cris étouffés, aux 10 000 nuées de leur juste colère, à l'amour humilié, à la vie, à la terre. À la chair torturée, à l'esprit révulsé. À la parole tue, à la voix censurée. Aux gestes entravés, aux rêveurs et aux fous. Et à l'espoir, enfin, qui reste malgré tout. Englué dans l'asphalte et le béton noirci, décrépit de banlieue, comme ces oiseaux blancs, volant sans une halte, s'abattant sur ces plages où se vautrent les dieux. Vos ailes sont de plomb ajoutées de misère, et vos yeux éperdus, assoiffés de lumière, se tourne vers l'azur effacé de vos rêves. Buvant à Babylone, en attendant qu'elle crève. Petite sœur des friches, au ventre de Madone, vous portez des Jésus. Crucifiés dans vos chairs, qui têtent la révolte à vos saints d'Amazone, et de leurs mains tendues comme un bonheur offert, recueillent l'avenir et le jettent à la face de ceux qui le fabriquent. Puis comme un pic à glace, dans le cœur surgelé, des trafiquants d'espoir le plante et s'y accroche comme un drapeau noir. Vous portez sur le dos le poids d'un siècle mort, revomi par l'histoire qui vous a jeté là, planté sur un trottoir avec pour tout décor, quelques arbres et un banc vous mènent vos pas. Et la province inquiète vous lorgne et le traverse. Derrière ces rideaux tirés à 4 épingles, des citoyens figés dans leur petit enfer, les mains qui s'agitent et des regards qui cinglent. dans des maisons cossues, habitées par l'ennui. Des praticiens honnêtes vous signent des deux mains, des prescriptions exactes par leur ordre établi, et vous renvoient dehors ou attendent vos chiens. Le pharmacien serein vous délivre la dose. Lui, n'y est pour rien. Ou bien, si peu de choses. S'il y a d'autres dealers qui, pour quelques barrettes, vont croupir en prison avec les proxénètes. Vos enfants de l'amour, ou parfois du hasard, en sautant dans les flaques, éclabousse de vie, les rues tièdes des villes ou des passants blafards, vont vite en se pressant pour fuir cette chienlit. Ils sont déjà rebelles et pour mieux les tenir, des notables instruits, de doctes pédophiles, en appel à la DAS, en parlant d'avenir, puis s'en vont partouzer et s'endormir tranquille. Petit frère de la zone, petite sœur des friches, vos enfants de lumière éclairent votre nuit. Dévoilant la beauté partout où elle niche, et la laideur aussi. Dans ce monde en sursis où règne le mépris, ils sont la fleur éclose qui ne doit plus faner. Laissez là vos névroses, vos seringues et vos rixes. Prenez votre colère, faites-lui prendre l'air, partagez-la en frère. Il y a des choses à faire et des choses à défaire. Il y a des choses des choses à défaire.